Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer encore ce matin dans cette pensée que Dieu, qui est en colère, livre les hommes, ce qu'on a vu premièrement à l'impureté, ensuite dit qu'il livre les hommes à leurs passions infâmes, et nous allons voir un troisième ce matin, un dernier. Notre bon Père du ciel, tu as eu raison de faire ce que tu as fait. Tu as été juste dans ce que tu as fait. Et l'histoire a démontré que tu étais juste. Et avec une plus grande expression encore, quand Jésus est venu, a démontré que tout ce que tu avais fait était juste. Et quand on connaît l'histoire, quand tu vas revenir, quand le Fils Jésus va revenir pour une deuxième fois, nous allons voir encore que tout ce que tu as fait était bon et juste. Père, apprends-nous encore ce matin. Apprends-nous à comprendre qu'est-ce que l'on vit. Pourquoi nous sommes comme nous sommes maintenant les êtres humains. Pourquoi le monde est-il comme il l'est présentement? Au nom de Jésus. Amen. L'évangile que Paul veut parler avec les Romains, cet évangile de Dieu, comporte une partie sombre, si je peux dire ainsi, qui est le besoin de l'évangile. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire que Dieu vient délivrer les gens? Pourquoi Jésus avait-il besoin de dire qu'il vient délivrer les captifs, ceux qui sont en prison? Pourquoi Jésus dit-il qu'il vient délivrer de la mort? C'est parce que Dieu avait livré les gens à la mort. Et pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Parce qu'on a vu jusqu'à date des choses. Il dit, l'homme, ne s'ayant pas soucié de connaître Dieu, au lieu de rendre grâce à Dieu, au lieu d'adorer Dieu, au lieu de connaître Dieu, l'être humain s'est détourné de la révélation que Dieu avait faite de lui-même, et c'est dans sa folie, il s'est mis à faire des dieux avec des reptiles, avec des quadrupèdes, avec des hommes et des femmes. L'homme s'est détourné de son créateur et s'est tourné vers la créature pour l'adorer et le servir. Ou, je devrais dire, pour se faire servir par ces faux dieux-là. On a vu hier qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ce que Dieu avait déclaré mal, ils l'ont déclaré bien. Ce que Dieu avait déclaré vérité, ils disent que c'est mensonge. Et Dieu les a livrés à l'impureté. Et en faisant cela, ils ont déshonoré leur corps. Ils déshonorent leur corps, pas dans le sens qu'ils font des choses avec le corps qui est juste des actions mauvaises, qu'on appellerait, ou des actions contre nature, mais ils déshonorent dans le sens qu'ils avaient été créés pour dominer sur le monde. Maintenant, au lieu de faire cela, ils mettent des hommes, des femmes, des quadrupèdes, et ils les servent et les adorent. L'être humain devait être au-dessus de la création et gérer ou dominer, c'est ce qu'il avait dit dans Genèse. Mais au lieu de ça, il met la création au-dessus de lui, et il fait des choses pour des faux dieux, afin que ces faux dieux-là les bénissent. Dieu appelle ça de la folie. La folie. Ils ont déshonoré leur corps ou leur raison d'être. Ensuite, il dit, Dieu les a livrés à leur passion infâme et ils sont allés contre nature. Ils ont utilisé leur corps, leur être contre nature. Au lieu d'être homme avec femme et de procréer comme Dieu avait demandé, Parce qu'il avait dit, allez et remplissez la terre. L'être humain se détourne de ce commandement-là de Dieu, ne veut pas ce que Dieu veut, et les femmes se mettent avec des femmes, et les hommes se mettent avec des hommes. C'est pas tous les hommes, c'est pas toutes les femmes. C'est pour montrer à quel point l'être humain s'est égaré loin de Dieu. À quel point l'être humain est faussé dans son jugement, au point de dire qu'il est correct, qu'il est naturel, qu'il est bien d'aller jusqu'à cette extrême contre-nature. Et ce matin, nous allons aller un peu plus loin. Une troisième fois, Dieu va livrer les hommes à la folie. Et on va lire à partir du verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie et de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Encore une fois ici, Dieu donne la raison pourquoi il va livrer. Ce qu'il dit au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. C'est pas juste une connaissance intellectuelle ici. Oui, il y a une connaissance intellectuelle. Parce que dans une relation, on apprend à connaître l'autre. Mais cette connaissance que j'ai de l'autre va m'emmener à agir envers l'autre selon la connaissance que j'ai. Si je me soucie de connaître, d'entrer en relation avec Dieu, je vais le connaître et la connaissance que je vais avoir de lui va m'emmener à agir envers lui selon la connaissance que j'ai. Mais il dit, tu t'es pas soucié d'entrer en relation avec moi et me connaître. Et quand tu me connais, parce que je me suis révélé à toi de certains moyens, tu vas contre la connaissance de moi, contre la vérité. Je me suis révélé à toi, dans le paradis, dans la création. Mais tu m'as rejeté. Tu n'as pas agi envers moi selon la connaissance. Tu as fait le contraire. Tu es allé contre ce que tu connaissais de moi. Tu t'es pas soucié de me connaître et d'agir en conséquence de ce que je m'étais révélé. Je me souviens un jour, je parlais avec un homme qui était dans un mouvement où est-ce qu'on les encourageait à prier Dieu pour les aider à sortir de leurs difficultés. Et là, en parlant avec cet homme-là, mais j'ai dit, le Dieu que tu as n'est pas le Dieu que j'ai vu dans la Bible. Et il m'a dit, chacun a son Dieu. Chacun se fait un Dieu selon ses propres compréhensions. Chacun a son Dieu. Donc, je veux pas que tu me parles de Dieu parce que moi, j'ai le mien, puis toi, tu as le tien, puis c'est correct. Et moi, je lui avais répondu, il dit, j'espère que le Dieu que tu t'es fait comme image dans ta tête, le Dieu que tu pries, j'espère que c'est le Dieu qui a créé le monde parce que c'est lui qui va te juger. J'espère que tu as le bon Dieu, la bonne personne de Dieu. J'espère que tu le connais bien. Parce que là, j'ai l'impression que tu adores le Dieu que tu t'es inventé. Tu refuses d'accepter ce qu'il a dit de lui-même et tu t'en es forgé un autre, pas en bois, pas en métal, mais dans ta tête, dans ton cœur, dans ton esprit. Dieu dit, parce que tu as fait cela, parce que tu t'es pas soucié de me connaître, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Leur sens, le mot réprouvé veut dire désapprouvé, qui passe pas le test, qui est faussé. Leur sens, hein, les sens de l'être humain, sa capacité de comprendre, de connaître, de ressentir, est faussée. Ça fonctionne mal. Et quand mes yeux fonctionnent mal, je ne perçois pas la réalité. Quand mes oreilles fonctionnent mal, j'entends pas la réalité. Ou l'entends mal. Quand il y a quelque chose qui marche pas au niveau de mon goût, mais je goûte pas bien les aliments que je mange ou ce que je bois. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Maintenant que tu t'es pas soucié de connaître moi, de me connaître, je te livre à cela. Tu vas être dans cet état-là. Et tu vas fonctionner avec tes sens réprouvés. Et là, tu vas faire des choses indignes. Des choses qui sont pas dignes de toi, qui sont pas dignes de l'être humain, qui sont mal, qui sont mauvaises, qui sont immorales. Et c'est pas dur à deviner qu'est-ce qu'il veut dire parce qu'il donne toute une liste en arrière. Hein? Oh! Toutes ces choses-là qui sont nommées au verset 29 et 30 et 31 font partie de ma vie. Ils ont toujours fait partie de ma vie. Faisaient la partie de ma vie de mes parents, de mes frères et sœurs dans la chair. Font partie de la vie de mon épouse, de mes enfants. Même si tu me dirais que c'est pas vrai, que l'être humain est pas comme ça, c'est ce que je constate dans mes relations les uns avec les autres. L'injustice, la méchanceté, la cupidité, la malice, l'envie, les médisances, hein? Blablabla. L'arrogance, l'orgueil, les fanfarons, les hautains, les ingénieux au mal, les rebelles à leurs parents. Quand on dit qu'il est dépourvu d'intelligence, ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas la capacité, il n'a pas un intellect. Ça veut dire qu'il n'est pas capable d'agir selon l'intelligence. Son intelligence ne fonctionne plus comme il devrait fonctionner. Elle ne sert plus à ce qu'il devrait servir, découvrir Dieu, aimer Dieu et le glorifier. Dépourvu de loyauté, dépourvu d'affection naturelle, dépourvu de miséricorde. Je lis la presse. C'est ce que je vois quand je lis la presse. Quand j'écoute la télévision, c'est ce que je vois dans les émissions de réalité qu'on appelle aujourd'hui, qu'il n'y a rien d'aussi irréel, mais on appelle ça la télé-réalité. Mais c'est loin d'être réel. Dans ma réalité, moi, je suis obligé de demander pardon, ou je devrais demander pardon plus souvent. Dans la réalité, les gens me font du mal et j'en fais du mal. Je fais des choses indignes. C'est ça l'être humain. Il a été livré à cela. Et c'est ce que je constate. C'est ce que j'ai constaté sur mes 6 enfants dès leur jeune âge. J'ai constaté ça. Et là, j'essayais, par des moyens, par des récompenses, par des punitions, par des paroles, des discussions, j'essayais d'amener un changement là-dedans. Mais je n'y arrivais pas. Hein. Je ne pouvais pas y arriver avec mes enfants, je n'avais pas arrivé avec moi. Mes parents n'étaient pas arrivés avec moi. Puis moi, je faisais mes bonnes résolutions, mais ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que j'étais livré à mes sens réprouvés. Maintenant, je fonctionne avec des sens qui sont faussés. Des sens qui sont incapables. Sont incapables de discerner ce qui est bien. Sont incapables de faire une évaluation juste de la situation. Sont incapables d'évaluer ce qui est bien et ce qui est mal. Sont incapables de discerner entre le mensonge et la vérité. Ce que Dieu a dit dans la sixième semaine, ils sont pas capables de faire la différence entre leur main droite et leur main gauche. Ce qui est bien, ils appellent ça mal. Ce qui est mal, ils appellent ça bien. Leurs sens sont réprouvés. Leurs sens sont perturbés. Les sens de l'être humain sont incapables de faire les bons choix Et ils font un paquet de choses indignes. Un peu comme un aveugle, ne voyant plus clair, se cogne un peu partout. Parce qu'il ne voit pas clair. Son sens fonctionne mal. Il est faussé. Dieu dit, maintenant, je te livre à ça. Et là, il dit, t'es tellement faussé dans tes sens, approuve ceux qui le font. Tu dis, toi, que ce qu'ils font, ce qui est nommé au verset 29 et 30 et 31, tu dis que c'est correct. Il dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Dans notre folie, au lieu de déclarer mal ce que Dieu a déclaré mal, malgré qu'on le sait. On sait que c'est, il y a un jugement. On va voir. On va voir demain et les autres journées qu'on le sait. Mais à cause que nos sens sont réprouvés, on réagit mal à ce qu'on sait. Comme on sait que fumer, mettons, 20 cigarettes par jour, c'est pas bon pour ma santé, mais on fait pareil. Mais on le sait. On sait que tromper son conjoint, c'est mal, c'est pas correct, qu'on devrait pas le faire, que ça va nous amener des problèmes, ça va amener des problèmes à elle, à moi, à mes enfants, ça va amener, mais on le fait pareil. On approuve. Pourquoi qu'on approuve ceux qui les font? On va voir demain, c'est parce que nous les faisons aussi. Je sais que c'est sombre, hein? C'est sombre, je peux dire, c'est pas facile à accepter ce que Dieu a fait. Mais c'est justifié. L'affront était tellement grande d'avoir rejeté Dieu. L'affront était tellement grande de ne pas avoir rendu grâce à Dieu quand on a vu qu'il avait créé le monde. L'affront était tellement grande de changer la nature de Dieu en nature humaine, changer la vérité de la gloire de Dieu en mensonge. Ce qu'on a fait est tellement grave que si Dieu a livré l'homme, l'être humain à la mort, à l'impureté, à leur passion infâme, à leur sens éprouvé, c'est juste justice. Dieu pourrait fermer le livre là, puis on dirait, c'est justice. Ce que nous avons fait contre Dieu, c'est abominable. Savez-vous, le chrétien, c'est pas que le chrétien est capable de s'abstenir du verset 29, 30 et 31, dans les églises que j'ai travaillées depuis 37 ans. J'ai vu le verset 29, 30, 31 s'accomplir. Je ne peux pas nier, je l'ai vu. Je l'ai vu dans ma vie, je l'ai vu dans la vie des chrétiens autour de moi. Mais la différence, c'est le chrétien, grâce à Dieu, il n'approuve pas cela dans sa vie. Et il n'approuve pas ça dans la vie des autres. Il sait qu'il y a un jugement de Dieu là-dessus, et il sait que c'est correct le jugement de Dieu. Il sait qu'il y a un jugement de Dieu maintenant et pour l'éternité en enfer. Il sait. Et il condamne dans sa vie et dans la vie des autres le verset 29, 30, 31. C'est ça la différence entre nous et l'autre qui approuve. Moi, je désapprouve. Les autres approuvent. Ceux qui ont été livrés par Dieu, approuve. Ceux qui ont été délivrés par Jésus-Christ désapprouvent maintenant toutes ces choses. Notre bon Père du ciel, on reconnaît bien que tu étais juste dans tout ce que tu as fait. On reconnaît maintenant que nos sens étaient désapprouvés ou réprouvés. On est content que tu nous as délivrés et que maintenant nos sens, à cause de ta grâce, à cause de ton Esprit Saint, nos sens sont approuvés, maintenant fonctionnent selon ce que tu les avais créés. Et ce qui reste encore en nous, de mal, de péché, on le dénonce, on le désapprouve, et on le désapprouve dans la vie des autres. Et c'est gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen.